Parler du tout. Je crois qu'il est mort quand même. Oh, il est mort. Non, on va y aller. Non, on va y aller. Je crois qu'il est mort.